Du jamais vu chez Delbeau Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbeau Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Le March Madness va connaître son dénouement ce soir, le Final Four. Ben, pas tout à fait ce soir, lundi soir, mais on va connaître les deux finalistes ce soir. Ça aura lieu à Minneapolis. Trois des quatre équipes qui sont pas habituées d'être invitées à la grande danse du Final Four vont se faire face. On en parle avec Peter Yiannopoulos. Salut Peter! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Peter, avant de parler de ça, deux, trois petites nouvelles que je voulais te parler. R.J. Barrett, j'en ai parlé avec Pascal Jobin, sélectionné comme le joueur le plus surévalué. C'est-tu parce qu'il est Canadien? Mais écoute, ça c'est quand on regarde le vote, il y avait R.J. Barrett qui était le premier, il y avait Cam Reddish puis Zion Williamson aussi. Fait que des fois, les votes... Écoute, quand t'es Canadien, c'est sûr que t'as pas le même respect comme quand t'es un Américain. Même en 2019, j'ai mentionné souvent sur RDS puis sur d'autres réseaux sociaux que si R.J. Barrett était un Américain et Zion Williamson était un Canadien, je pense pas qu'on aurait tous regardé Zion comme le meilleur joueur. Bref, R.J. Barrett, il y a eu toute une saison à Duke comme un joueur de première année, une des meilleures saisons de l'histoire de la NCAA. Même dans le match qu'ils ont perdu, il y avait 21 points, 6 rebonds, 6 aides. Écoute, il a tout fait pour cette équipe cette année. C'est un joueur extrêmement polyvalent avec les blessures à Zion Williamson et à Trey Jones. Je pense que R.J. Barrett, c'est un jeune joueur, comme la plupart de ces jeunes joueurs de la NCAA, Danny. Ils vont se développer, sont pas complètement finis dans leur développement. Ils ont juste 18-19 ans. Fait que ils vont faire des erreurs, sont pas parfaits. Mais R.J. Barrett, c'est un gagnant. Il a gagné partout où il était. Ben oui. Écoute, ils ont juste joué contre une meilleure équipe ce jour-là avec Michigan State, puis ils ont gagné par un point. Mais R.J. Barrett, il a gagné avec l'équipe Canada. Ils ont battu les Américains, John Calipari. Fait que pour moi, R.J. Barrett, il va être un des deux premiers choix de la NBA dans le repêchage. Puis il va avoir une carrière de 15 ans minimum. Il va avoir un joueur d'impact, un joueur vedette. Puis oui, papa, pour R.J. Barrett. Mais R.J. Barrett, écoute, il avait gagné avec le Canada, mais une chose que tu as oublié de mentionner, c'est qu'il a gagné à 17 ans contre des 19 ans. Puis c'est lui qui était le joueur qui dominait, là. Tu sais, c'est un haut fin d'âme de sa carrière, là. Puis R.J. Barrett, il était supposé être au secondaire cette année. Ouais. Il a décidé de reclassifier, puis il est rentré à Duke une année à l'avance. Fait que, écoute, R.J. Barrett, on sait que c'est un Canadien, puis je mentionne ça souvent, parce que, puis je vais t'expliquer, Danny. D'habitude, les Canadiens, ils ont une réputation d'être un peu timides. C'est pas des joueurs qui ont vraiment le sentiment d'urgence de vraiment marquer tous les points, d'attaquer le panier et être le meilleur joueur. On a parlé de ça avec Andrew Wiggins des fois, avec d'autres joueurs auparavant. R.J. Barrett, il est différent. Lui, il attaque. C'est lui qui veut pas en tout cas lancer les meilleurs lancers, les plus difficiles. Fait que là, on le critique parce que il a décidé d'aller au panier. Puis écoute, il restait 4 secondes. C'est lui qui est allé vers le panier. Zion Williamson, il a passé le ballon une couple de fois à la fin du match. Fait que R.J. Barrett, toute la saison, il a fait des points. Il est allé à la ligne de lancer franc. Écoute, il a raté un lancer franc. Mais contre UCF, quand Zion Williamson, il avait raté son lancer franc, c'est R.J. Barrett qui a pris le rebond et gagné le match pour Duke. Fait que R.J. Barrett va avoir toute une carrière. Puis c'est clair que des fois, le monde, il y a de la jalousie aussi. Est-ce que R.J. Barrett doit se développer et prendre des meilleures décisions des fois avec le volant? C'est sûr. Tous les joueurs de la NBA vont faire ça avant de rentrer dans la NBA. Fait que, je suis pas inquiet, puis je suis vraiment content et très fier de R.J. Barrett parce qu'il est fier des Canadiens. Il parle le français aussi. Puis c'est un joueur qui va être extrêmement dominant dans la NBA. OK. Est-ce qu'il va devancer avec G.M. Morin, d'après toi? Écoute, ça dépend qui va repêcher. Les besoins aussi. Tu veux toujours repêcher le meilleur talent disponible. Pour moi, ça, c'est ma philosophie. Mais c'est clair qu'il y a des franchises, des équipes, des directeurs généraux qu'ils vont penser, OK, on a déjà un meneur de jeu, est-ce qu'on veut amener un autre meneur de jeu? Ja Morant, c'est un meneur de jeu extrêmement explosif, athlétique. Quand on parle des comparaisons, puis on aime ça faire des comparaisons aujourd'hui, c'est un gars comme Russell Westbrook, un gars qui peut percer, attaquer le panier avec férocité, un excellent défenseur aussi, un gars qui peut faciliter, distribuer pour ses coéquipiers aussi. Fait que, écoute, pour moi, tout le monde pense Zion, c'est va être numéro un. Peut-être que oui. Moi, je disais toujours c'est RG qui va être avoir la meilleure carrière dans 10-15 ans. Mm-hmm. Zion Williamson, à 285 livres, il va pas perdre du poids. Est-ce que vraiment il y a les habilités de la ligne de 3 points pour être dominant à la NBA? Je pense que oui, mais quand on regarde Barrett et Morant, écoute, on vous regarde que la NBA, t'as besoin d'un meneur de jeu qui est explosif, qui est capable de marquer beaucoup de points. Fait que ça va être tentant pour un directeur général de le repêcher. Écoute, on regarde les Knicks, les Suns de Phoenix, les Cavaliers de Cleveland, qui sont les trois équipes qui devraient être choisir 1, 2, 3, mais c'est une loterie, fait qu'il y a une autre équipe qui peut embarquer. Fait que ça reste à suivre. On va voir qui va repêcher où. Mais je pense Zion, RJ puis Morant, pour moi, ça va être 1, 2, 3. Puis tu vas gagner avec ces trois joueurs. Moi, j'espère voir Zion avec les Knicks, parce que les Knicks, ça fait quand même plusieurs années qu'ils. Écoute, ils n'ont pas eu de grandes vedettes depuis Patrick Ewing. Il y a eu Carmelo Anthony, mais de grandes vedettes là à New York. Là. Puis ça fait longtemps que les Knicks. Écoute, c'est une des franchises qui a le plus accès à la NBA, puis ça fait longtemps que ça a coupé des bas-fonds. Donc, à un moment donné, là, je pense que Zion, pour relancer les Knicks dans la grosse pomme, c'est le joueur idéal. Je sais pas si t'es... Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, hein? D'accord avec toi, mon Danny. Je dis ça depuis longtemps. Écoute, t'as toujours besoin de la NBA. Écoute, c'est la meilleure ligue du monde. On voit les revenus, la télé, tout ça, c'est incroyable mondialement. Mais t'as besoin... La NBA a besoin que les Knicks puis les Lakers ont des bonnes équipes. C'est clair, tu veux les deux plus gros marchés qui ont du succès. Les Lakers, c'est sûr que présentement, il n'y a pas trop de succès durant les 3-4 dernières années, mais ils ont gagné des championnats avec Kobe Bryant puis Shaquille O'Neal. Les Knicks, ils n'ont pas gagné un championnat depuis des années. Ils sont pas rendus en finale depuis 1999, quand ils ont perdu contre les Spurs, ils sont fait balayer. C'était Patrick Ewing en 94, il était en finale, ils ont perdu contre les Rockets puis Hakeem Olajuwon. Mais bref, en 1985, on a repêché Patrick Ewing, c'était lui le centre numéro un de la franchise. Et pour moi, avoir Zion dans les Knicks, ça va être tellement un slam dunk. Tout le monde va adorer ça. Et les agents libres vont vouloir, pour la première fois dans 20 ans, mon Danny, d'aller jouer à New York. Parce que quand tu peux jouer avec un gars comme Zion, là, ça devient intéressant. Est-ce que Kevin Durant va vouloir signer avec les Knicks, un Kemba Walker aussi, un Jimmy Butler. Fait que ça ouvre les pas. Si les Knicks ont le premier choix, c'est clair qu'ils vont choisir Zion. Imaginez si ça va être Cleveland, Zion pour remplacer LeBron James. Moi, j'aimerais, comme toi, Danny, voir Zion Williamson avec les Knicks, parce qu'on a besoin que les Knicks sont encore, qu'ils deviennent encore une bonne équipe dans la NBA. OK. Ce soir, trois des quatre équipes du final ne sont pas des invités. T'as Auburn et Texas Tech, je pense, qui n'ont jamais participé au Final Four. Et t'as Virginia Tech qui, eux, 1984 la dernière fois. C'est vraiment intéressant, hein? Je veux dire, c'est enfin. Ben écoute, c'est ça le tournoi de l'NCAA. C'est les braquettes, ils vont casser, ils vont mourir assez vite. Fait que t'as toujours des équipes qui vont perdre, qui devraient être en finale, quand on pense des équipes comme Duke, North Carolina, Gonzaga. Écoute, t'as une équipe comme Auburn, qui était classée cinquième. L'entraîneur-chef, Bruce Pearl, ses deux adjoints sont suspendus avec du recrutement illégal. Ils ont eu beaucoup d'adversité. Ils ont perdu leur meilleur joueur, OKK, dans le Sweet 16. Et là, ils gagnent. Ils vont battre Kentucky sans lui. Écoute, c'est une petite équipe. C'est la première fois dans l'histoire qu'ils sont dans le Final Four. On sait que Charles Barkley a joué pour eux autres. Bo Jackson aussi, dans le temps qu'il joue au football. Fait que c'est le fun de voir une école pour la première fois, puis pour leurs partisans. Ça va être un peu difficile, eux autres, contre Virginia, parce que Virginia a classé numéro un. L'année passée, imagine, le désastre total, perdre contre la 16e équipe. Là, ils reviennent, Tony Bennett en finale. Je pense que c'est les favoris. Je pense que Virginia devrait battre Auburn avec des joueurs comme Ty Jerome, Kyle Guy et DeAndre Hunter, qui est classé comme un des 5 ou 7 meilleurs joueurs pour être dans le repêchage dans la NBA. Fait que faites attention à lui. et à Jerome et à Guy ce soir, toute une équipe Virginia. Mais écoute, Auburn, Danny, lance beaucoup de 3 points. Fait que ça rentre, peut battre Virginia aussi. De l'autre côté, Texas Tech, imaginez, première fois de l'histoire, eux autres aussi, c'est une petite école à Lubbock, Texas. Quand j'étais entraîneur à UMass, j'étais allé là jouer contre Bobby Knight puis cette équipe-là. Ouais. Là, l'ancien adjoint de Bobby Knight à Texas Tech, c'est Chris Beard. Lui, c'est l'entraîneur. Imaginez une équipe défensive avec beaucoup de fierté. Eux autres aussi, un joueur à surveiller, Rodney Culver. Lui aussi, classé entre 5 et 8 pour être dans le repêchage. Okay. Fait, lui, il devra jouer extrêmement bien ce soir. L'Italien Moretti et le meneur de jeu, Mooney, va être intéressant. Ils doivent vraiment jouer excellent du périmètre. Mais l'autre côté, c'est la légende Tom Izzo de Michigan State, les Spartans. Eux autres, ils ont gagné en 2000, mon ami. 2000, ils ont battu Billy Donovan et les Gators de la Floride. Ils retournent avec une équipe avec beaucoup de blessures, mais l'expérience. Cassius Winston, troisième année, meneur de jeu. Xavier Tillman, on a vu Goins, on a vu McQuaid. Je pense que Izzo, il a l'expérience, mais écoute, c'est 2 matchs à gagner, c'est 40 minutes. Je pense que ça va être Spartans, Michigan State puis Virginia, mais je ne serais pas surpris si c'est Texas Tech et Auburn. C'est ce genre de tournoi cette année, mon Danny. Ben, c'est un match, hein, Avant l'Elite Eight, il n'y avait pas vraiment de grandes surprises, mais la semaine passée, au Elite Eight, c'était, oui. Il y a eu plusieurs équipes qui ont tombé. Là, c'est ça le Final Four. Mais là, le SEC va vraiment... Tu sais, Alabama, on dit que... Alabama a mis plus d'argent. Auburn également. On dit qu'Auburn, c'est pas la première fois. C'est la première fois qu'on va les voir, mais ça, c'est pas la dernière fois. Là. Ils ont investi dans le programme aussi. Donc, c'est le fun d'avoir des nouvelles équipes. Pas juste Kentucky, pas juste Duke, pas juste North Carolina et ainsi de suite. Là. Non, c'est un bon point, Danny. Écoute, on sait que ces écoles-là, ils ont beaucoup de tradition. Beaucoup d'argent dans le programme. Quand ils vont recruter des joueurs, c'est clair que beaucoup de joueurs veulent continuer et jouer dans cette tradition parce que tu vas gagner dans l'NCAA et tu as des bonnes chances d'aller dans le tournoi, dans la NBA, dans le repêchage. Mais t'as des joueurs aussi maintenant qui veulent faire partie d'une école un peu plus petite, qui vont être vraiment les meilleurs joueurs. Fait que, imaginez, quand on regarde Duke, on a eu Zion, on a eu R.J. Barrett, puis là, t'as un gars comme Cam Reddish, qui était un des meilleurs joueurs de la NCAA, au secondaire, pour venir jouer dans la NCAA, puis il a pas vraiment touché le ballon. Imaginez un Cam Reddish dans une école un peu plus petite, il y aurait un peu plus d'impact. Fait que, c'est fun de voir des petites écoles, puis comme moi, j'ai vécu. J'étais entraîneur dans l'NCAA. C'est non seulement pour les joueurs, pour les coachs, pour les entraîneurs, mais c'est vraiment pour les partisans parce qu'ils ont tellement une fierté pour leur école. Puis pour jamais été avoir dans un Final Four, puis Auburn, Texas Tech, puis même un Virginia, c'est pas vraiment une des meilleures écoles dans le basket, mais Tony Bennett a changé ça. Ça va être vraiment intéressant ce soir à Minneapolis. Le Final Four est là, oui papa. OK, ben on s'en reparle bientôt. Merci beaucoup, Danny. Voilà, donc c'est Peter Yiannopoulos de TSN.